Chers amis, bonjour. Hoy estoy nuevamente con Hilda, porque nos quedamos con muchísimas cosas para decir sobre la Costa Azul, ¿verdad? Oui, bonjour. Voilà. Alors donc, vamos a hablar pues de su ciudad, porque nos dijo que era de Niza, y al final no hemos hablado de Niza. ¿Qué nos dices de Niza? Oui, donc je vous dirais que Nice est une ville du sud-ouest de la France, donc dans le département toujours des Alpes-Maritimes. C'est à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne. Donc elle est située sur les bords de la Méditerranée, le long de la baie des Anges. Donc, voilà, c'est la baie des Anges, mais qué bonito. Es ouais. Como la concha de San Sebastián, c'est lo que se llama la baie des Anges. La bahía de Los Ángeles, muy bonito. Donc oui, la baie méditerranéenne, donc avec sa célèbre promenade des Anglais. Que es como la croisette, solo que en Nice. Voilà, c'est ça, ¿verdad? Exactement. Eso, la croisette de Nice, la promenade des Anglais, el paseo de los ingleses. C'est vrai. Entonces, Niza, ¿siempre fue francesa, Niza? Non, c'est une... non. Elle a eu une histoire assez longue. C'est une capitale historique du comté de Nice. Donc, elle a appartenu à la Provence avant de rejoindre la Maison de Savoie en 1388. Et plus tard seulement, le royaume de Piémont-Sardaigne. O sea, que Niza fue, si he entendido bien, provençal, después perteneció a la Casa de Saboya, sí. Y después ya pasó a Italia con Piemonte, ¿verdad? Y, sí. Y después ya francesa en... En 1860. 1860, o sea que ya tarde, ¿no? Sí, sí, sí, tout voilà, à fait. Oui, c'est vraiment une acquisition récente. Pues mira qué bien. ¿Qué nos dices de Niza, aparte de esa historia tan variada? Pour donner une image je dirais visuelle de la ville, on peut dire qu'elle possède un riche patrimoine architectural. Donc, au cours de la période savoyarde, plusieurs palais et hôtels particuliers ont été construits, comme aussi des églises de style baroque. Et à la belle époque, la ville s'est enrichie de nombreuses villas et d'hôtels. Et une église orthodoxe aussi. Oui, c'est vrai. Et une église orthodoxe pour les Russes, non? Oui, oui, que exactement. Los encantos de Niza, también como los ingleses. C'est vrai, oui. Voilà. Donc, qui a Très été bien. Construite, je ne sais plus tout à fait quand, mais... Oui, mais peu importe. Mais c'est non vraiment importa. Une église qu'il faut visiter si oui. On passe... C'est curieux, ça. Une église anglicane aussi qui a été construite. Oui, voilà, bien sûr. Il fallait répondre à toutes les nécessités spirituelles de tous les touristes permanents que teníamos en Niza. Muy bien. L'hôtel Negresco. Oui. Oh. C'est connu ça, l'hôtel Negresco, qu'est-ce? Oui, donc c'est un. C'est un grand. Donc c'est un hôtel qui a été édifié en 1912. Il est de style extérieur néo-Louis XVI, on dira. Oui. Et l'intérieur est plutôt de style Second Empire tardif. Et donc sa façade est classée, c'est la partie noble, je dirais, de l'édifice, qui est classée à l'inventaire des monuments historiques depuis 1975. Donc c'est. C'est, je dirais, c'est le point c'est de rencontre, oui. Si. C'est l'emblème de Nice. C'est l'emblème de Nice, oui. Et le punto de encuentro de la gente, non? Oui. Es como el reloj de la Plaza Mayor. Nos vemos en Negresco, pero no entramos. Non, non, non, non jamais. On ne peut pas entrer, c'est trop cher, la consommation est trop chère. Non, la consommation est une ruine, ¿verdad? Mais on peut quand même visiter on peut un visiter. Petit peu à l'intérieur. Muy bien, pues ya lo iremos a ver. Et la population de Niza, ¿cómo es? Alors, je dirais que c'est le point négatif de mon point de vue de la ville, puisque c'est une Je suis ville... méchante. c'est une ville où il y a pas mal de personnes âgées, je dirais. C'est une ville de vieux, quoi, para decirlo, oui, claramente. C'est ça. Una ciudad de viejos, ¿no? C'est ça. Et comment ça fait? Oui, il y a, on va dire, 30% de la population qui a quand même plus de 60 ans. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Et souvent, donc, c'est des retraités, qu'ils soient parisiens ou d'autres villes de France, qui viennent passer leur retraite. Voilà, passer à la Nice retraite. Après. Oui. O sea, la gente se jubila y se va a Niza a pasar, pues sí, sus últimos años así. Oui. Y aprovechar sobre todo el sol, no gastar poca calefacción, porque la gente lo piensa también. La calefacción es un gasto importante. Y efectivamente, Niza es una ciudad de personas mayores. Y también yo recuerdo haber visto en Niza una cosa un poco penosa, que son las personas mayores pobres. Porque todavía sí. Una persona mayor que tiene sus ingresos, muy bien, pero hay muchísima gente que se ve mayor y con pocos recursos. Yo he visto gente pidiendo en las calles, gente mayor francesa, y da mucha pena. Oui, c'est ça. C'est une ville où il y a quand même pas mal de disparités entre justement les personnes les plus riches, ceux qui viennent passer leur retraite, qui Doré, ont bien travaillé toute leur argenté, vie. Ou argentés, du moins. Voilà. Et ceux qui ne sont pas dans cette situation-là. Voilà, donc. Et oui. Bien. Très bien. Ben nous, alors nous avons envie d'aller tout de même à Nice. C'est tout mais j'espère bien. Mais très bien. Bon, eh bien, nous allons nous reposer de Nice. Nous allons écouter une petite chanson. Et puis, ensuite, nous allons parler encore d'autres choses de la Côte d'Azur. Voilà. Très bien, merci Hilda. À tout de suite. À tout de suite. des masques de bois n'ont plus dans leurs yeux l'éclair d'autrefois. Afrique, adieu, là où tu iras, les esprits du feu danseront pour toi. Voilà. Merci pour cette jolie chanson que nous a apportée Hilda. De Provenza, hay una ciudad que a mí siempre me llama la atención porque es muy discreta, pero es muy bonita y huele muy bien. ¿Cuál es? Oui, c'est la ville de Grasse. Donc la ville de Grasse. Oui, escrito con dos S's. Oui, hein? C'est ça. No es Grasse de Monaco, es Grasse, Grasse de Provence con dos S's. Muy bien. Oui. Y ¿nos puedes hablar de Grasse? Oui, la ville de Grasse est la capitale mondiale du parfum. Alors, du parfum. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a une petite anecdote, une anecdote à ce sujet. Venga, dinos. Donc, au Moyen-Âge, donc, la ville se spécialise dans le tannage du cuir au le départ. Le tannage, c'est-à-dire los curtidos. Tanner un cuir et curtir un cuero. Oui. Et donc, elle acquiert une réputation de grande qualité à partir de ce cuir-là. Pero eso huele mal, non? Voilà, le cuir sent mauvais, c'est le problème. Donc, et qui portait le cuir, c'était forcément la noblesse. Et qui portait des gants en cette matière. Des guantes de cuero, si. À l'époque, de piel. C'est ça, oui. Donc à l'époque, Gallimard, tanneur à Grasse, a l'idée de créer des gants en cuir parfumé. Voilà, des gants de senteur. C'est ça, pour que c'est joindre l'utile à l'agréable. Et il en offre une paire à Catherine de Médicis, pardon, et qui est séduite par le cadeau. Ah oui, parce que Catherine de Médicis est là. Et là, Reina régente, ¿verdad? Elle était une reine régente de France, sí, que gouverna. Es como la reina madre, ¿no? En la minoría de su hijo. Muy bien. Alors oui. Donc, Catherine de Médicis. Donc, vu qu'elle apprécie voilà, le produit, elle le répand à la cour et dans toute la haute société, on fait de Grasse une réputation mondiale. Donc, on est au XVIIe siècle et à l'industrie du cuir de Grasse succède celle du parfum. Du parfum, claro, mucho más agradable, más bonita, más rentable, seguramente también. Muy bien. Alors, pourquoi le parfum est aussi en Grasse? Parce qu'il y a des senteurs rares donc, au pays de Grasse, comme la lavande, la myrte, le jasmin, la rose ou la fleur d'oranger, voilà tout flores, ça. Claro. Et d'ailleurs, même des grandes marques comme Chanel, donc, que tout le monde connaît, possèdent leur propre plantation de roses et de jasmin à Grasse. Et oui, bien sûr. Très bien. Ce qu'on peut dire de plus de Grasse, donc, c'est qu'elle s'est développée donc, dans ce domaine de la parfumerie, dans ce secteur. Elle compte une soixantaine d'entreprises qui emploient 3500 personnes dans la ville et dans les environs. Donc c'est presque, en tout, c'est les emplois induits aussi de ce secteur, en tout font 10 000 emplois, un bassin de 10 000 emplois, voilà. En cas de 10 000 empleos. Et lo malo de eso es que en tiempos de crisis, el lujo... A veces decae un poco y la crise risque de se faire sentir beaucoup à Grasse. Je pense, oui. Oui, certainement. Mais vu qu'ils ne restent pas donc, dans le secteur seulement du parfum, ils font aussi des... Ah, ils ont eu l'intelligence de se diversifier. Oui, et puis de toute façon, les parfums donc, maintenant sont faits à base de senteurs de synthèse. Synthèse. Et ils sont aussi diversifiés dans les arômes alimentaires. Donc tout ce qui touche, je dirais, au parfum, aux saveurs, aux arômes en général. Donc voilà. Donc c'est l'industrie. Grasse, voilà, Grasse donc a réussi à se diversifier, une industrie a doublé del perfume et de l'alimentation comme también un poco sustituto del perfume, ¿verdad? Que también es limitado. Oui. Pues muy bien. Y después tenías ganas de hablarnos de Sofía Antipolis. Oui, donc Sofía Antipolis est une technopole, donc située dans une pinède de 2400 hectares dans la commune de Valbonne, Sofía Antipolis. Elle est située entre Nice et Cannes, donc toujours dans le département des Alpes-Maritimes. A lo mejor había que decir a los oyentes que Sofía Antipolis no siempre ha existido. Es una creación, es una implantación urbanística que salió de la nada hace... 50 años, algo así. Oui, oui, c'est vrai. C'est une ville qui s'est récemment développée. En fait, c'est une technopole qui part d'un technopole. Bueno, entonces, en français distingue un technopole, qui est un polo tecnológico, digamos. Oui. Es una implantación tecnológica en un sitio determinado. Y después la technopole, es decir, pole de polis, de ciudad, la technopole, que sería donc une ville. Entonces, Sophie oui. Antipolis es une technopole. Oui, c'est ça. Qui regroupe plusieurs technopoles voilà. Au masculin. Au masculin. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de Sophia ? On va dire que c'est une réplique à l'échelle de la France, de la Silicon Valley. Voilà, très donc, bien. Qu'est-ce que c'est bien, ça, de Californie, voilà. Oui. Donc, c'est un secteur où il y a quand même 1300 entreprises du monde entier, près de 30 000 emplois directs très bien. En recherche scientifique de pointe. Il y a de grosses entreprises qui se trouvent à Sophia ? Oui, on peut parler de Thales, d'Air France, de France Télécom, d'Elite Packard. Il y a vraiment les... Todos los grandes. Oui, y además, exactement. Escuelas de ingenieros también. Oui, c'est ouais. Ça. Donc l'école Polytechnice. Polytechnice, voilà. Non pas Polytechnice. Ay, esos franceses, qué finos soy. Bueno, oui. Queridos oyentes, on va se dire au revoir. Oui. On a des grandes idées sur Nice, sur la région de PACA. Todos vamos a ir de vacaciones allí, ¿verdad? J'espère. Ouais, très bien. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.